C'est un pommier du Japon. J'ai fait une bouture Ah oui? parce que c'était, on n'en avait plus ici. Et puis, l'automne, vous prenez deux ou trois branches, vous le mettez dans un vase avec du terreau et puis un peu Ouais. de. Puis il faut mettre un cornet dessus en plastique. Puis tout l'hiver, puis après ça part. Hein. Ouais. Bon, il faut des années pour que ça pousse. Voilà. Le reste, c'est la pluie.